la vie plus loin encore que vous pensiez possible. Ça va vous permettre de vous réaliser que vous avez des capacités intérieures qui sont plus grandes que vous pensiez que vous aviez. Mais si vous n'osez pas oser, vous ne découvrirez jamais les possibilités que vous avez à l'intérieur de vous-même et automatiquement, vous n'entrerez pas dans votre intérêt vital. Puis si vous n'entrez pas dans votre vie, dans votre intérêt vital, vous serez dans votre intérêt de vie et il y a une grosse différence entre les deux. Dans l'intérêt vital, vous serez heureux toute votre vie, que vous soyez sur le plan matériel, que vous soyez dans l'éther, mais dans votre intérêt de vie, vous ne serez heureux que quand le système économique sera bon, le système politique sera bon, que vous aurez des enfants, que ça ira bien avec votre mari. Autrement dit, dans l'intérêt de votre vie, vous serez heureux en fonction de votre émotionnel, tandis que dans l'intérêt vital, vous serez heureux en fonction de votre intelligence réelle, c'est-à-dire que vous serez totalement bien dans votre peau. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin d'être heureux en fonction de votre émotionnel. Là, vous serez bien. Là, vous vivrez une vie. Là, vous découvrirez votre vie à la mesure de vous-même, parce que chaque homme a des possibilités. C'est une insulte à votre intelligence de subir, de par les forces vibratoires qui entrent dans l'homme, des courants d'énergie qui éteignent sa volonté et qui éteignent son intelligence parce que ça met en relief une insécurité dans le mental ou dans l'émotionnel. Vous vous faites jouer un cul. Vous vous faites enculer sans vous en apercevoir. Et vous autres, vous appelez ça de l'insécurité psychologique. Pensez-vous que les vibrations qui vous viennent dans le corps viennent de vous? Ils viennent pas de vous, ces vibrations-là. Ça vient d'autres plans, ces vibrations. Puis l'âme va se servir de toutes les possibilités pour vous les faire sentir. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas oser dans la vie. Oser. L'homme, tant qu'il n'est pas fusionné, a toujours une petite inquiétude que ça ne va pas marcher. Il y a toujours, dans l'homme qui n'est pas fusionné, il y a toujours une petite porte à l'intérieur de laquelle c'est marqué désespoir. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Il y a toujours une petite porte quelque part, là. Si ça va trop mal, là, la petite porte, elle s'ouvre, puis c'est marqué désespoir. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est inévitable. Ça fait partie de la conscience humaine. C'est, on est structuré de même. Aussitôt que ça va mal, là, que c'est... Vous appelez ça voir en noir. Hein? Voir en noir. Voir en noir, la petite patte rouge, là, ça c'est le désespoir. C'est une illusion. Puis on pogne dedans. Maudit qu'on pogne dedans. C'est écœurant, hein, parce qu'on pogne dedans. Ton mari vient de te laisser, là, je te jure que c'est top. Ça fait 20 ans que t'es avec, là. T'as jamais travaillé dans l'industrie. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es pas intéressé de rencontrer un autre homme. Tout ça, il défile ça devant la tête, là. Puis vous embarquez, vous êtes comme des vrais morts. La bouche ouverte. Puis vous les passent. Puis ils disent pas, tu pourras pas te trouver un autre mari. Ils disent, je pourrais pas me trouver un autre mari. Je pourrais pas travailler. J'ai pas travaillé pendant des années. Bah, t'as pas travaillé pendant des années, mais y a rien là. J'ai pas travaillé pendant des années. Tout le jeu, ils vont employer le jeu, puis le jeu, puis le jeu, puis le jeu. Tant que vous aurez du jeu dans votre tête, vous serez pas dans votre intelligence, l'état mental sera pas développé. Dans l'état mental, y a pas de jeu, y a rien dessus. Tant qu'il y a du jeu dans votre tête, l'état mental n'est pas développé, vous êtes pas dans votre intelligence. Vous êtes sujet assujetti à votre intellect et à votre émotionnel. C'est ça qui crée le jeu. Le « je », il est créé par la concordance de la superimposition de l'émotif et du mental dans l'homme. Enlève l'émotif et enlève le mental subjectif dans l'homme, il n'y a plus de « je », il y a du « tu ». Le « tu », c'est la connexion télépathique avec le mental supérieur. C'est votre intelligence, c'est votre état mental. Fait que watchez-le, le « je » dans votre tête. Watchez-le, le « je ». Vous allez le watcher pendant des années de temps, parce qu'il va être là pendant des années de temps, le « je ». Je suis fatigué. Je suis tanné. Je suis écœuré. Je l'aime pas, lui. Qu'est-ce que je vais faire? Tout d'un coup, mon mari me laisse. Les enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Je. Tour le jeu. Le jeu, la fonction du jeu, la fonction cosmique du jeu, c'est de rendre l'homme planétaire. La fonction cosmique du jeu, c'est de mettre les œillets. Les œillères? Les œillères? Les œillères. Devant les yeux de l'homme. C'est un des plus grands jeux cosmiques qui existent. C'est une des plus grandes pourritures et cœurs entiers qui est imposée à la conscience humaine depuis l'évolution et la descente de l'homme dans la matière. Le jeu. Vous êtes chanceux, je vous l'explique. Moi, je le sais, ça marche bien. Moi, du jeu, j'en ai pas de jeu dans ma tête depuis 1969. Mais vous autres, graduellement, vous le perdrez le jeu. Vous devez perdre le jeu. Vous devez perdre la conscience du jeu. Parce que le jeu vous culpabilisera toujours. Le jeu vous insécurisera toujours. Le jeu fera de vous des petits hommes au lieu des grands hommes. On mange ça en haut. Es-tu prêt? La loi des impressions. J'aimerais ça que les gens en haut écoutent pas mal parce que c'est bien important, ça. C'est suffisamment difficile à comprendre. Les impressions. Les impressions. Qu'est-ce que ça veut dire, impression? Ça veut dire imprimer sur. Les impressions sont des formes qui sont imprimées sur le mental de l'homme. Et qui se servent de l'énergie émotionnelle de l'homme pour traduire dans l'expérience humaine un certain mouvement pour créer une certaine activité quelconque. Sur notre planète, sur la planète Terre, la loi des impressions est extrêmement puissante parce que sur la planète Terre, l'homme n'est pas dans sa pleine intelligence. Et la loi des impressions sert à créer dans l'homme sa personnalité. C'est la loi des impressions qui crée chez l'homme sa personnalité. Mais la personnalité de l'homme se construit soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Elle se construit de l'intérieur quand il pense. Et elle se construit de l'extérieur quand il vibre émotivement. Alors, la personnalité de l'homme se construit de l'intérieur quand il pense. Et elle se construit de l'extérieur quand il vibre émotivement. Autrement dit, la personnalité de l'homme se construit avec du matériel d'impression qui se loge dans son corps émotionnel ou son corps astral, ou du matériel qui se loge dans son corps mental. À cause du fait que le corps mental de l'homme, c'est le corps d'intelligence de l'homme et qu'il y a plus d'intelligence dans le mental qu'il y a d'intelligence dans l'émotionnel, les impressions qui se créent dans le mental humain à l'intérieur de lui sont de plus haute vibration que les impressions qui se logent de l'extérieur sur son corps émotionnel. Mais bien que ces impressions-là soient plus haute en vibration que les impressions qui se logent de l'extérieur dans son corps émotionnel, les deux impressions, mentales et émotives, ou mentales et astrales, sont contrôlées par l'intelligence cosmique ou par les intelligences qui sont sur les plans invisibles et qui communiquent avec l'homme à son insu. Autrement dit, l'homme est impressionné soit par l'ajusteur de pensée, ou soit par des entités en évolution, sur les plans de la mort qui coïncide avec le mont astral. Si on élimine... Ça marche pas en haut? Ça marche-tu, là? Là, je vais parler simplement des impressions créées par les personnalités qui sont dans le monde astral sur la conscience humaine. Je ne parlerai pas des impressions créées par l'ajusteur de pensée. Les personnalités qui sont dans le monde de la mort, qui sont dans le monde astral et qui travaillent, qui évoluent et qui travaillent d'autre part et qui travaillent en relation avec l'homme ont des fonctions particulières. Et les fonctions qu'elles ont, ces personnalités-là, c'est de se servir du matériel d'âme de l'homme, de se servir du matériel d'âme de l'homme, c'est-à-dire de sa mémoire. Et en se servant de sa mémoire, ces personnalités-là peuvent s'ajuster à la vibration émotive ou mentale humaine. Autrement dit, nous autres, sur la Terre, quand on parle de personnalité, on parle de personnalité en fonction d'un corps physique. Mais quand on parle de personnalité sur des plans invisibles où le corps physique n'existe plus, ces personnalités-là ont une vibration. Elles ont une coloration. Et la vibration qu'elles ont, ces personnalités-là, coïncide justement avec le matériel d'âme, avec la mémoire d'âme de l'individu. Et c'est comme ça que ces personnalités-là peuvent travailler à l'insu de l'homme et se superimposer sur la personnalité de l'homme et créer la personnalité de l'homme sans que lui s'en aperçoive. Ou avec l'impression que c'est lui qui est en contrôle de l'évolution de cette personnalité sur le plan physique. Je vous donne un exemple. Prenons une personne qui, dans le passé, a appartenu pendant un très nombre d'années à la vie monastique. Qui était très spirituel, très religieux, ainsi de suite. Cette expérience-là, elle est enregistrée dans sa mémoire d'âme. Et dans les plans invisibles, il y a des personnalités aussi qui ont eu des expériences monastiques. Et ces personnalités-là peuvent facilement transposer le matériel d'âme au niveau de la mémoire de l'ego, le transposer en lui, en le faisant passer par eux-mêmes. Autrement dit, le matériel d'âme étant de l'énergie, eux autres se servent de cette énergie-là, la passent par eux-mêmes, par leur personnalité, qui a une ambiance parallèle à celle qui est enregistré dans les mémoires, et automatiquement, l'ego, lui, sur le plan matériel, qui est connecté à l'âme, reçoit des vibrations venant de ces personnalités-là, mais des vibrations qui sont déjà en relation originale avec sa mémoire d'âme, de sorte que l'individu, sur le plan matériel, va sentir en lui des états spirituels qui touchent ou qui mènent ou qui sont parallèles à l'ascétisme, par exemple. Parce qu'il y aura des personnalités sur d'autres plans qui prendront ce matériel-là et qui le passeront en eux, le filtreront à travers leur être, leur personnalité, vers l'homme. Et ça, c'est très délicat, parce que tant que l'homme reçoit des impressions qui viennent d'entités dans des plans parallèles et invisibles, les impressions qu'il reçoit ne sont pas des impressions, ne sont pas des impressions qui conviennent à son intelligence. Ce sont des impressions à son intelligence réelle. Ce sont des impressions qui conviennent à sa personnalité, c'est-à-dire à son intellect et à son émotionnel. Et les gens parmi vous qui vont aller vers la conscience, qui vont se conscientiser de plus en plus, un jour devront être capables de réaliser la différence entre les impressions qu'ils reçoivent et qui conviennent à leur mental et à leur émotionnel, mais qui ne conviennent pas à leur intelligence. Parce qu'un homme qui n'est pas capable de discerner entre les impressions qui conviennent à son émotionnel et à son mental va automatiquement être obligé de subir l'expérience liée à ces impressions-là, parce que les impressions, surtout si elles sont très fortes, automatiquement vont lui donner l'impression qu'elles doivent être vécues, ces impressions-là, parce qu'elles sont très fortes. Et si l'homme vit des impressions parce qu'elles sont très fortes, les impressions qu'il vivra lui donneront de l'expérience. Mais ces impressions-là ne relèveront pas de son intelligence et ces impressions-là peuvent lui servir éventuellement à découvrir sa vraie intelligence. Parce que dans la vraie intelligence, les impressions n'existent pas. Parce que la vraie intelligence n'est pas connectée à la mémoire de l'âme. La vraie intelligence n'est pas connectée à la mémoire de l'âme. Et lorsque l'homme vit de la vraie intelligence, il y a un paramètre qui devient évident à ses yeux. C'est que dans la vraie intelligence, tout ce qui ressort doit être parfaitement harmonisé aux conditions de vie dans lesquelles il se trouve. Autrement dit, l'ordre. Dans la vie d'un homme qui est conscient, il y a ce que j'appelle de l'ordre. Et qu'est-ce que c'est de l'ordre? C'est une condition de vie qui ne nécessite pas une surdépendance sur les impressions et qui ne fait pas que l'homme qui est conscient perde de l'énergie pour rien. Quand un homme est dans l'ordre, il ne perd pas d'énergie pour rien. Mais un homme qui subit la loi d'impression est automatiquement assujetti à des conditions d'expérience qui lui feront perdre de l'énergie, bien que ces expériences peuvent l'amener éventuellement à rentrer dans la compréhension des lois de l'intelligence, autrement dit des lois de l'ordre. Tant que l'homme est inconscient, tant que l'homme n'a pas compris les jeux de l'esprit, tant que l'homme n'a pas compris les jeux de l'esprit, tant que l'homme n'a pas compris les jeux de l'esprit, il est sujet à créer dans sa vie du désordre. Autrement dit, une condition expérientielle qui nécessite une perte d'énergie, quitte plus tard à lui de redonner de l'intelligence après qu'il aura appris et compris la loi de cette impression-là. Autrement dit, je dis que l'homme qui n'est pas dans son intelligence pure est sujet à faire des erreurs de jugement qui coïncident avec l'impression posée dans son mental par des intelligences sur d'autres plans. Impressions qui peuvent le servir, qui peuvent le faire avancer, mais qui, dans certains cas, peuvent lui nuire selon son niveau d'évolution. Autrement dit, toutes les impressions que reçoit l'homme dans le mental ne sont pas nécessairement bonnes pour lui, bien que toutes les impressions que reçoit l'homme dans le mental sont nécessairement bonnes pour lui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Autrement dit, toutes les impressions que vous recevez dans votre mental et dans votre émotionnel, toutes les impressions qui créent le matériel de fond de votre personnalité qui vous permet, au niveau de votre personnalité, de vivre telle expérience, ne sont pas nécessairement bonnes pour vous, mais toutes les expériences sont bonnes pour vous. Elles ne sont pas nécessairement toutes bonnes pour vous parce que ça va vous faire souffrir, ça va vous faire perdre d'énergie, mais elles sont toutes bonnes pour vous parce que toute expérience est bonne anyway. Mais ce que je veux dire, après ça, c'est que plus on entre dans le mental supérieur, moins on a d'énergie à perdre, moins on veut vivre notre vie sous la loi des impressions, et à ce moment-là, on en arrive à un point où notre intelligence est tellement raffinée et notre volonté tellement précise et forte qu'à ce moment-là, on est capable de couper la loi des impressions, couper le matériel impressionnistique qui entre dans notre mental et dans notre émotionnel pour vivre notre vie comme on le veut, comme on le doit. Et la vie comme on le veut, comme on le doit, c'est cette vie qui est la plus harmonieuse, la plus parfaite, celle dans laquelle il y a la moindre perte d'énergie, autrement dit, où il y a la moindre possibilité pour l'homme de souffrir. Alors, s'il y a dans la vie de l'homme une possibilité, une petite porte où il peut souffrir, c'est parce qu'il est assujetti à une loi d'impression. lorsque l'homme est mental, lorsque l'homme a développé un éther mental et qu'il ne veut pas souffrir et qu'il ne peut plus souffrir, à ce moment-là, il fait bien attention que les impressions logées dans le mental et dans l'émotionnel humain conviennent à sa personne. Sinon, si ça convient pas à sa personne, c'est-à-dire que si ça convient pas à son intelligence, là, il se check. Et la raison pour laquelle beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sur la Terre souffrent de toutes sortes de façons, toutes sortes d'expériences, ou vivent toutes sortes d'expériences, c'est parce que justement, elles ont été assujetties à la loi d'impression et n'ont pas compris le fait que l'homme, une fois qu'il est dans son intelligence réelle, dirige sa vie. Qu'il ne vit plus sa vie indirectement, qu'il ne vit plus sa vie dans le sens qu'il est assujetti à des lois d'impression, mais qu'il dirige sa vie lui-même, qu'il la crée, qu'il la bâtit lui-même sa vie, et qu'il s'assure que dans la construction de sa vie, il n'y a pas de perte d'énergie, autrement dit, il n'y a pas de possibilité de souffrance aucune. S'il y a une possibilité de souffrance quelconque dans la vie de l'homme, il est assujetti aux lois d'impression. Plus il entre dans le mental, dans l'état mental, moins il y a de possibilités pour lui de vivre une souffrance quelconque, parce que son intelligence est suffisamment précise et sa volonté suffisamment déterminante pour que sa vie soit claire et nette. Et claire et nette, ça veut dire pour que lui ne souffre pas, c'est-à-dire pour que lui ne subisse pas de perte d'énergie. Mais l'homme n'a pas contact avec l'invisible, ou c'est-à-dire qu'il n'a pas contact visuel avec l'invisible. Il a simplement un contact intuitif avec l'invisible, ou il y a un contact télépathique avec l'invisible. Mais le contact télépathique ou le contact intuitif, parlons du contact télépathique avec l'invisible, c'est pas suffisant pour l'homme pour lui assurer une survie. C'est pas suffisant le contact télépathique pour l'homme pour lui assurer une vie dans laquelle le seul facteur qui dirige sa vie, c'est son intelligence, sa volonté. Parce que le contact avec l'invisible, c'est un contact qui est soit d'impression ou d'intelligence. Et l'homme n'est pas conscient de la différence entre l'intelligence pure et l'impression. De sorte que souvent, l'homme, surtout s'il est intuitif, va avoir l'impression que l'impression, c'est de l'intelligence, lorsqu'en fait, l'impression est simplement une force pour lui faire vivre une certaine expérience pour qu'il en arrive éventuellement à dépasser un jour l'impression pour en arriver dans l'intelligence pure. Alors, le contact télépathique avec l'invisible n'est pas une sécurité pour l'homme. La seule sécurité pour l'homme, c'est la réalisation, dans son expérience de conscientisation, que toute impression qui se loge en lui, venant de l'invisible à cause du contact télépathique, doit être assurée de ne pas troubler son éther. Doit être assurée de ne pas troubler sa vie matérielle, de ne rien troubler dans sa vie matérielle. Et si l'impression, le moindrement trouble sa vie matérielle, crée un désordre, soit pour lui-même ou pour d'autres dans sa vie matérielle, c'est une impression, et cette impression, il faut qu'il la tue. S'il n'est pas capable de la tuer, cette impression éventuellement continuera, et elle reviendra, et elle reviendra, et elle s'acharnera contre lui, parce que un des grands pouvoirs de la loi d'impression, c'est que la loi d'impression ou l'impression qui est véhiculée par des personnalités dans l'invisible continue et continue et continue, et elle acharne l'homme. Ça reste collé à l'homme. Et l'homme doit en arriver un jour à être désengagé de la loi d'impression. Je vais vous donner un exemple précis de l'acharnement de la loi d'impression contre l'homme. Quand vous avez un problème, avez-vous remarqué que le problème, il reste. Il vous dormait avec, il vous empêche de dormir. Vous vous levez le matin, vous avez encore le problème. Puis il reste pendant des semaines, jusqu'à temps que la solution vienne, puis boum, là, il arrête. Puis là, et ensuite, il y en vient l'autre. Bon, puis il reste. Puis si vous regardez vos vies, vous allez voir que dans vos vies, il y a des problèmes ou des conditions ou des situations mentales et émotionnelles qui collent. Autrement dit, vous êtes jamais vide. Vous êtes toujours plein de quelque chose. Vous êtes jamais vide. Vous êtes toujours plein de quelque chose. Vous vous couchez le soir avec, vous vous levez le matin avec, vous vous couchez le soir avec, vous levez le matin. Vous êtes toujours plein de quelque chose. Ça, c'est la loi d'impression. Et ces lois d'impression-là, ces impressions-là, ces énergies-là, ces formes-là sont véhiculées par des personnalités dans l'invisible pour votre expérience et font partie du mémoire d'âme, du matériel de la mémoire d'âme. L'homme, un jour, doit détruire ça. L'homme, un jour, doit être capable de détruire ces impressions-là qui rentrent dans son mental instantanément. Mais pour qu'il le détruise instantanément, il faut qu'il soit instantanément intelligent. Pour qu'il soit instantanément intelligent, il ne faut pas qu'il soit barré par ses émotions et emprisonné par son intellect, parce que son émotion et son intellect et sont sous le contrôle de ses impressions. Mais subtil, ça, puis c'est mauditement important. Là, on est ensemble, là, votre mental est assez vite. Il se passe rien. Ben, il y a rien, là. Mais vous devez en arriver un jour à être comme ça tout le temps, 24 heures par jour. Mais aussitôt que vous allez arriver chez vous, là, ça va recommencer encore. Les lois d'impression. C'est ça qui arrive quand vous partez, hein, le lendemain matin, la job, tout ça. Ça recommence encore. Un jour, il faut que vous en arriviez à être vide tout le temps comme vous êtes, à soir vide tout le temps, tout le temps, tout le temps. À ce moment-là, vous n'êtes plus assujetti aux lois d'impression. À ce moment-là, vous êtes dans le mental éthérique ou l'éther mental. À ce moment-là, vous ne pouvez plus souffrir, vous n'avez plus de tension, vous n'avez plus de problème. S'il vient une situation qui est problématique, vous la résolvez tout de suite, et suite. Une des plus grandes menaces sur la Terre, une des plus grandes menaces contre l'homme sur la Terre, c'est la loi d'impression. Parce que la loi d'impression, c'est une loi cosmique. C'est une loi extrêmement puissante. C'est la loi qui a permis à l'homme de développer émotivement et mentalement. Fait que c'est fort en enfant de chienne, cette loi-là. C'est cette loi-là qui est à la base des cycles de réincarnation. C'est cette loi-là qui est à la base des lois du langage, que je vous parlerai plus tard. Qu'est-ce que c'est du langage? Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, vous autres, du langage. Quand je vous expliquerai qu'est-ce que c'est du langage, puis que je vous ferai réaliser la différence entre le langage et la parole, c'est là que vous comprendrez jusqu'à quel point c'est vaste et ça va loin dans la conscience humaine, les lois d'impression. Et un jour, l'homme doit être libre des lois d'impression. Et quand l'homme sera libre des lois d'impression, l'homme sera, à ce moment-là, capable de créer ses propres impressions. Qu'est-ce que ça veut dire, créer ses propres impressions? Ça veut dire être dans l'intelligence et dans la volonté et créer, sur le plan matériel ou dans l'éther, des formes, par la parole, qui sont assujetties à sa volonté et qui peuvent se matérialiser n'importe quand, n'importe quand et n'importe où dans l'expérience humaine. Mais quand l'homme pourra créer ses propres impressions, l'homme sera rendu créateur, l'homme se servira de cette loi d'impression à son avantage, et c'est à ce moment-là que l'homme commencera à créer une nouvelle civilisation. Mais tant que l'homme est assujetti aux lois d'impression, il est assujetti dans son émotif et son mental. Et tant qu'il est assujetti par ses lois d'impression dans son émotif et son mental, il ne peut pas même s'imaginer qu'il est intelligent. Il ne peut pas même s'imaginer qu'il est libre. Il ne peut pas même s'imaginer qu'il est sûr d'être sûr. Prenons par exemple le fanatisme chez les gens spirituels ou chez les gens religieux. Qu'est-ce que c'est le fanatisme? Le fanatisme, c'est l'application chez ces hommes-là de la loi d'impression à un tel point, qu'ils ne vivent même plus leur personnalité en tant qu'homme, ils vivent leur personnalité en tant que projection des personnalités qui sont dans l'invisible. Si vous regardez les grands fanatiques qu'on a connus au cours des siècles, Savonarola en Italie, par exemple, dans 1400, ces gens-là sont tellement éteints. Ces gens-là sont tellement pris de la loi d'impression. C'est bien subtil, ça. Je veux continuer, parce qu'il m'entend bien les affaires. Ces gens-là vivent tellement la loi d'impression qu'ils ne vivent plus dans leur personnalité. Et quand vous les regardez, ces gens-là, dans leurs yeux, dans leur visage, c'est comme s'ils sont pas là. Effectivement, ils sont pas là. C'est eux autres qui sont dans eux autres. Puis il y a une très, très, très, très, très fine ligne de démarcation entre le fanatique, l'homme fanatique, qui vit en conjonction des forces dans l'astral qui travaillent à travers de lui et des hommes comme moi qui sont fusionnés. Parce que moi, je peux bien, bien apparaître aussi comme fanatique. Mais la seule chose qui m'empêche d'être fanatique ou d'apparaître trop, trop comme fanatique, c'est que moi, quand j'apparais fanatique, c'est parce que moi, je crée l'impression d'être tellement énergétique dans ce que je fais qu'un gars qui me regarde et qui vient de rentrer puis qui ne connaît pas, il dit « Christ, c'est un Christ de fou, lui. » Parce que je crée l'impression. Je crée une impression tellement forte pour le travail que je fais. Mais cette impression-là est sous mon contrôle à moi. Si je veux sortir, moi, de créer cette impression-là, je reviens bien normal. Je joue mon propre jeu à moi que je comprends. Mais quand l'homme est sous la loi d'impression qui vient de l'astral, il joue plus son jeu à lui, il joue leur jeu à eux autres. C'est là qu'on voit à ce moment-là les traits du fanatisme chez l'individu. Puis les gens qui sont fanatiques ne peuvent pas sortir de leur fanatisme. Moi, quand je pars du site à soir, je peux aller chez Ben, se prendre ma bière, je m'en vais chez nous, je cloue mes clous, puis j'oublie les séminaires, puis j'oublie les séminaristes, puis j'oublie tout ce que je fais. Quand je reviens la semaine prochaine, je continue dedans. Mais le fanatique, lui, il peut pas oublier parce qu'il est constamment lié à la mémoire d'âme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand t'es fanatique, t'es tout le temps fanatique. Réveille à 3 h du matin, la semaine prochaine, n'importe quand, tu vas voir que plus le temps va dans sa vie, plus il est fanatique. Si tu le regardes dans 5 ans, 17, il va être encore plus fanatique, puis dans 10 ans, il va être encore plus fanatique jusqu'à temps qu'il craque. Quand t'es dans l'intelligence, tu peux créer une impression forte comme les fanatiques créent des impressions très fortes, parce que les impressions qui viennent de l'invisible sont fortes. Mais cette impression-là est créée par toi pour un travail quelconque, pour une raison quelconque. Mais quand t'as fini de travailler, tu t'en vas puis tu prends des vacances. Fait que c'est bien important la loi d'impression. Bien important. La loi d'impression. Bien important. Plus vous êtes sensible, plus vous êtes sensible, plus vous êtes sujet à la loi d'impression. C'est mauditement subtil. Plus vous êtes sensible, plus vous êtes sujet à la loi d'impression, parce que plus vous êtes sensible, plus vous recevez d'énergie dans le mental et dans le corps astral. C'est ça la sensibilité. Qu'est-ce que c'est la sensibilité? C'est ça. Quand tu deviens mental, quand ton état mental est développé, t'es sensible, oui. Seulement que ta sensibilité est haute. Ta sensibilité, elle est intelligente. Elle n'est plus impressionnistique. C'est le bon mot, impressionnistique. D'accord. Ta sensibilité n'est pas le résultat des impressions sur tes principes. Ta sensibilité est le résultat de la destruction des impressions sur tes principes pour vivre l'énergie pure. Fait qu'évidemment, t'es sensible. Mais c'est une sensibilité intelligente. Autrement dit, il y a de l'intelligence dans ta sensibilité au lieu d'avoir simplement de la ferveur dedans. Et les gens parmi vous qui sont très sensibles sont plus sujets aux lois d'impression que d'autres. Et il faut que vous fassiez attention. Parce que les lois d'impression sont les lois d'énergie, sont des lois d'énergie astrale, et ces lois sont très fortes. Et si vous n'en arrivez pas à comprendre la subtilité de ces lois-là, un jour, si les forces deviennent plus grandes en vous, plus grandes, plus grandes, plus grandes, il faut que vous en arriviez à connecter avec les forces réelles, c'est-à-dire les forces de votre intelligence et de votre volonté, et non les forces astrales qui veulent se servir de votre personnalité pour imprimer dans le monde des impressions quelconques. Parce que si vous êtes fanatique, vous ne vivrez jamais votre vie. Vous vivrez en fonction des autres. Vous vivrez pour sauver le monde. Vous aurez des illusions tellement fortes qui bénéficieront des entités sur les autres plans. Quand vous serez dans votre intelligence, vous vivrez votre vie à vous. Si vous avez le pouvoir de l'intelligence de créer telle chose, il y aura un équilibre entre ce que vous faites et ce que vous recevez. Vous ne serez pas esclave d'impressions qui viennent en vous, qui changent votre personnalité et qui font de vous des êtres qui servent, sans s'en rendre compte, des intérêts astraux. C'est bien subtil de l'intelligence. Je vous en explique de toutes les façons, à toutes les sauces. De l'intelligence, c'est très... De l'intelligence, c'est de l'intelligence. Tu sais, la juive qui disait « A rose is a rose is a rose ». De l'intelligence, c'est de l'intelligence, c'est de l'intelligence. Mais on ne sait pas ce que c'est de l'intelligence tant qu'on n'est pas dedans. C'est pour ça que les hommes doivent faire attention aux lois d'impression et ne pas prendre les lois d'impression pour de l'intelligence. Je vous le dis et je vous avertis, là. Pour les années qui viendront, là. Oubliez pas que vous ne connaissez pas votre avenir. Oubliez pas que vous ne savez pas comment demain vous vivrez votre vie consciente. Il vous est donné aujourd'hui des points de référence pour demain. Ces points de référence-là seront extrêmement importants pour vous autres demain, pour que vous puissiez développer les terres mentales, mais ne pas être assujettis aux lois d'impression qui sont contrôlées par le monde astral sur la personne de l'homme et à son insu, pour des raisons que l'homme ne connaît pas, mais pour des raisons que l'homme aime à sentir et que l'homme aime à pressentir ou à rationaliser. Protégez-vous demain de vous-même. Puis quand je dis protégez-vous de vous-même, je veux dire que tant que vous ne serez pas dans votre intelligence, vous serez obligé de vous protéger de vous-même parce que vous-même, le vous-même, il est fait d'impressions qui viennent de l'astral, qui se logent dans votre mental et dans votre émotionnel. Protégez-vous de vous-même. Moi, je vous explique pas trop l'invisible parce que je veux pas trop vous déprimer. C'est pour ça que je vous en parle pas trop vite. Je veux pas vous déprimer. Je suis pas intéressé à vous déprimer. Je suis intéressé à acheter de plus en plus de lumière sur les mystères de l'art. Donc, pas vous déprimer. La vie est assez déprimante comme elle est. Méfiez-vous de vous-même. Ça veut dire méfiez-vous de ce que vous pensez. Méfiez-vous de vos émotions. Mais méfiez-vous surtout de ce que vous pensez parce que ce que vous pensez sont des impressions logées dans votre mental par des intelligences sur d'autres plans qui peuvent être extrêmement évoluées puis qui ont des raisons de faire ça. Pour des raisons que vous ne connaissez pas vous, mais que vous comprendrez un jour si vous êtes trop pogné dans le piège de ces impressions-là. Méfiez-vous de vous-même. Pas tellement de vos émotions qui m'inquiètent comme vos pensées. Parce que la façon dont vous pensez, c'est la façon dont vous allez vivre votre vie, tandis que vos émotions sont simplement des coussins dans votre vie qui vous permettent de vivre de telle façon ou de telle façon. Mais la façon dont vous pensez, c'est bien important parce que c'est dans cette direction-là que votre bateau s'en va. Puis pour que votre bateau finisse pas ses rochers, il faut que votre intelligence soit de plus en plus nette. C'est pour ça que je dis, faites attention à vous-même. Checkez les billes matérielles qui vous passent dans le mental. Sachez que ce sont des lois d'impression que vous êtes assujettis à des lois d'impression. Puis que ça va prendre un bout de temps avant que vous en arriviez dans un mental éthérique suffisamment élevé, suffisamment clair. Pour être parfaitement sûr, puis sûr d'être sûr que ce que vous avez dans le mental, c'est ça. Puis rendu à ce point-là, vous n'aurez plus de jeu dans le mental. Mais tant que vous avez du jeu dans le mental, tant que vous avez des pensées subjectives, des pensées qui sont manifestées dans leur réalité, à l'intérieur d'une forme qu'on appelle le jeu, faites bien attention. Parce que le jeu vous donne, sur le plan matériel, la prérogative de penser que c'est ça. De penser que c'est vous. Lorsqu'en fait, c'est pas vous, c'est autre chose en vous qui n'a pas été encore substituée par une autre intelligence qui réellement fait partie de vous et qui s'exprimera à vous par le tu, parce que l'intelligence cosmique qui communique avec l'homme communique d'une façon dualistique et non d'une façon totalement simplement unitaire, comme on l'a dans le jeu. C'est ce qui a créé d'ailleurs l'illusion de l'évolution, l'illusion de la pensée humaine. Mais les hommes ne sont pas tous prêts à vivre au niveau du tu. Ah, comme les hommes sont pas toutes prêtes à vivre au niveau du dessus, mais ils reçoivent un petit peu ici, dans le plexus solaire ou quelque part en dessous des bras, ils reçoivent quelque part l'impression de leur conscience. Mais quand vous commencez à vivre au niveau du dessus, vous allez voir que vos personnalités vont changer, parce que ça change une mood, la personnalité en maudit quand tu vis au niveau du dessus. Tu t'aperçois que t'es pas grand-chose. Mais d'un autre côté, éventuellement, tu t'aperçois que t'es tout. Il y a un ajustement vibratoire des corps qui se fait pendant ce temps-là. Fait que surveillez-vous vous-même, parce que vous pouvez être votre pire ennemi sans le savoir. Sans le savoir. Parce que l'homme vit et est assujetti aux lois d'impression. Et ces lois-là font partie de son inconscience. Ces lois-là font partie encore de la période de transition de sa conscience jusqu'à temps qu'il en arrive dans l'intelligence pure ou la conscience pure. Et à ce moment-là, ces lois-là sont suspendues et lui devient créateur. Et lui, à ce moment-là, crée les impressions qu'il veut ou qu'il a besoin pour faire son travail. C'est pour ça que je dis, tant que vous allez avoir l'impression, tant que vous allez avoir l'impression d'être sa bonne traque, faites attention. Quand vous serez dans l'état mental, vous verrez qu'il n'y a pas de traque. Mais tant que vous avez l'impression d'être sa bonne traque, faites attention. Ça ne veut pas dire que votre traque n'est pas bonne. Ça veut dire que dans votre traque, il y a des failles. Puis si votre train passe dessus, il peut dérailler. Quand je dis que l'intelligence, c'est un mystère. Que l'homme est loin de comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence. C'est un mystère, l'intelligence. Pas un mystère religieux. C'est un mystère à cause de l'infinité qu'elle représente. Alors, les lois d'impression qui assujettissent l'homme, qui créent chez l'homme, qui ont servi à créer chez l'homme le développement de son corps astral et de son corps mental, sont encore actives aujourd'hui et elles le seront pour un bon bout de temps, ces lois-là. Et ceux qui réussiront à se libérer de ces lois d'impression-là, bien, rentreront dans l'état mental. Mais en attendant, il faut que l'homme se protège contre lui-même parce que l'homme est assujetti, il est déjà lui-même contaminé par ces lois-là. Mais au moins, vous le savez. Le fait qu'on ait un corps matériel, qu'on ait un corps physique, nous limite extraordinairement dans la vision des choses. Limite extraordinairement notre intelligence. Limite extraordinairement notre vision. Alors, automatiquement, je vais vous donner un exemple. Si tu prends un chien, tu t'en vas sur la rue, tu prends un chien, il y a Toutou qui se promène, tu prends un chien, tu l'amènes chez vous, tu barres la porte, tu finales, hein? Tu deviens son maître. Mais nous autres, on est dans la même situation vis-à-vis l'invisible. On est comme des toutous, on vit au monde. On n'a aucune protection, on n'a aucune éducation réelle. Alors, automatiquement, on est pris. On a perdu la mémoire d'où on vient. Fait qu'automatiquement, on vit au monde. Puis, au fur et à mesure que le temps passe, on est des toutous, puis on est barré dans une cabane. La cabane, c'est loi d'impression. Puis, on est voulu à l'intérieur de cette cabane-là. Mais les maîtres, on ne les voit pas. C'est la différence. On ne les voit pas, les maîtres. Puis un jour, les maîtres, on doit totalement les neutraliser. On doit neutraliser leur pouvoir sur nous autres, ces maîtres-là. Pour ne vivre que de l'éther mental. C'est ça. L'éther mental, c'est le résultat de ça. Ceux qui vivront, qui développeront l'éther mental, seront ceux qui auront détruit petit à petit sur eux le pouvoir des lois d'impression.